seul sur la route, visiter le monde coûte que coûte. Et ses dernières ailes, son garage, elle avait même fait ses bagages. Elle attendait le moment propice pour partir vers Paris. Un soir de septembre, il y eut un incendie. Elle s'enfuit sans attendre que le feu s'éteignit. La porte était ouverte, la voilà qui s'enfuit. Une mobilette verte perdue dans la nuit. Sur les routes, elle partit faire le tour de la France. Mais ce qu'elle vit lui fit tourner son essence. Des paysages bobos, oui, mais des bobos aussi, oui. Et tous ces petits jeunes empapés qui ne pensaient qu'à la monter pour la laisser crever sur le bord du fossé. De mobilette qui s'appelait Manolo l'avait tellement dans la tête qu'il a repeint en vert fluo. Elle a même fait un temps un petit peu de motocross. Ça s'est fini tristement, le pilote a chuté sur une bosse. Elle a aussi fait la course avec des scooters, mais c'est des ours, tous ces gros frimeurs. Elle a fini ermite à se balader sur les chemins, loin des voitures qui roulent vite, loin des villes très très loin. Finalement elle s'est enfuie se reposer au bord de la mer, loin des routes goudronnées, peinard tranquille pépère. Si vous la croisez un jour sur la côte de granit rose, une mobilette vert fluo qui a l'air un peu morose, laissez-la donc tranquille, elle est en liberté. La vie c'est pas facile pour une.